radio. J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer, on tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Zik Actu sur l'antenne de RDB, la radio des Boutières. Et ce soir, l'actualité musicale est chargée. Nous allons donc l'éplucher ensemble pendant à peu près une heure. Et pour commencer, l'actualité musicale, c'est Ibrahim Malouf qui fait mieux que tout le monde. Il sort pas un album, mais deux albums. Le premier s'appelle Khaltoum, le deuxième Red and Black Lights. Nous allons donc écouter un extrait des deux albums. Pour commencer, je vous propose d'écouter l'ouverture numéro 2 de l'album Khaltoum. Ces deux albums sont des hommages aux femmes. L'un plutôt tourné vers le passé, Khaltoum, et l'autre plutôt tourné vers le présent, le Red and Black Lights. Donc on écoute tout de suite l'ouverture numéro 2 de l'album Khaltoum d'Ibrahim Malouf. Vous êtes bien sur la radio des Boutières et vous écoutez actuellement la trompette d'Ibrahim Malouf avec l'ouverture numéro 2 de l'album intitulé Khaltoum. Khaltoum qui est donc un hymne, on va dire une référence à une chanteuse, une diva égyptienne, Khaltoum, qui a donc un de ses grands succès, c'est Alf Leila wa Leila, qui est tout simplement Les Mille et Une Nuits en fait, donc un conte d'une heure que Ibrahim Malouf remet en musique, donc version jazz, et dans cet album Khaltoum. On continue avec son voilà ce premier album. En tous les cas, un côté très jazz, très live en fait. C'est, ça apparaît essentiellement enregistré en live avec très peu d'arrangements. 5 musiciens, donc contrebasse, batterie, saxo, piano et bien sûr Ibrahim Malouf à la trompette. Et donc dans l'autre album qui sort en même temps, donc le 25 septembre, on trouve voilà beaucoup plus d'arrangements. Une autre logique, et notamment des emprunts à d'autres musiques. C'est pas une diva égyptienne cette fois-ci, c'est une diva beaucoup plus moderne, c'est Beyoncé en fait. Il y a une reprise de Beyoncé, donc cet album qui vient de sortir, Red and Black Light. On écoute tout de suite le titre éponyme d'Ibrahim Malouf. C'était donc Ibrahim Malouf avec le titre Red and Black Light, donc le même titre que l'album qui vient de sortir. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un sens du groove et de la mélodie exceptionnel chez ce musicien-là. Voilà, cette musique instrumentale, en plus, c'est rare qu'on entende vraiment de la musique instrumentale de nos jours, avec en plus un musicien virtuose, ça fait du bien aux oreilles. Et puis, il a en plus cette capacité d'effacer les frontières entre les styles musicaux, entre autres, mais pas seulement. Il efface aussi les frontières entre les pays, entre... entre les, toutes les influences, voilà, je trouve ça très très beau. On va lire juste très vite fait un peu ce que lui en dit de cet album. En fait, il dit que cet album est axé sur une esthétique plus actuelle, plus électro, voire pop. Il est constitué de mes compositions ainsi qu'une d'une reprise de la diva d'aujourd'hui, Beyoncé. Bien qu'étant particulièrement complexe dans leur écriture, avec des polyrythmies en 19, 17 ou 27 temps par exemple, nous avons arrangé ces musiques de manière à ce que jamais le poids de l'écriture ne se fasse entendre. Nous avons donc contourné le piège de l'élitisme et de l'écriture scientifique pour élaborer un album transparent et limpide, sur lequel le public peut même danser ou chanter, mais qui regorge néanmoins d'une multitude de suppositions, de superpositions, pardon, insoupçonnées de thèmes, d'harmonie et de rythme, que seule une lecture mathématique de l'album pourrait trahir. Moi, j'aime beaucoup cette idée de faire de la musique élitiste pour tout le monde, en fait. Voilà, dans son langage, c'est ça. Et dans sa musique, on le perçoit complètement. On va voyager un petit peu. On va tout de suite aller en Afrique du Sud avec Petite Noire, dont on avait découvert un EP il y a quelques mois et qui arrive maintenant avec un album. On écoute le titre MDR. C'était donc Petite Noire, vous êtes toujours à l'écoute de Zik Actu et on épluche l'actualité musicale du moment. Et on écoutait donc le titre MDR. Et voilà, est-ce que vous êtes mort de rire après son écoute? Je n'en sais rien. En tous les cas, c'est un titre moi qui m'a pas mal plu. Je trouve que le groove est là. Et voilà, à l'image de cet album, on mélange un peu les influences du continent africain avec une espèce de wave des années 80, la new wave des années 80, et donc des rythmes un peu afrobeat. Je trouve ça assez intéressant comme mélange. Il y a plein de belles choses. Il y a aussi pas mal un côté hip-hop. Il faut écouter l'album. Ça part vraiment dans tous les sens. C'est un peu dur de s'y retrouver, mais c'est ça qui est intéressant. En tous les cas, il défriche. Personnellement, j'ai un peu de mal avec les passages rappés en français. Voilà, écoutez, vous ferez votre idée. Ça s'appelle Petite Noire. Et donc, pour préciser, c'est un chanteur oui, qui a grandi donc, en Afrique du Sud, mais qui est à moitié congolais, à moitié angolais, qui a grandi aussi, qui est né à Bruxelles. Enfin, voilà, un personnage atypique pour une musique atypique. On continue avec les Naive New Beaters qui ont sorti il y a quelques mois, mais j'étais passé à côté, un titre qui s'appelle Runaway, un titre assez électro. Et en fait, j'aime bien ce groupe. Donc, même si ça a quelques mois, j'avais envie de vous le passer. Pour rappel, les Naive New Beaters, c'était ça. On va se réécouter un peu leur tube Live Good. I like to live good, cat walk with my friends, go to stores, check new trends. I love my neighborhood, enjoy the good food, feed me with your care. It feels warm, I swear. I'm a nice boy, a cool guy, a bit wild. But something went wrong, bad feeling sometimes so strong. Hot job is going on, nothing is really done. I like to live good, work hard, have kids. Don't bother me with your attitude, will you please take your pills? That I'll never give. Go, it's called life, man. Could you believe? Each time that I go, everything I have achieved. Go, it's time to go. I'm flexible. Voilà, c'était donc les Naive New Beaters et un groupe, un trio en fait composé d'un MC David Boring. Donc David ennuyeux, un guitariste Martin Luther B.B. King, quand même il faut le faire, et un mec aux machines qui s'appelle Eurobelix. Et alors rien que pour leurs accents et leur pseudo, moi je pense que c'est un groupe à suivre absolument. J'avais eu la chance de les voir sur scène et c'était bien déjanté, j'avais vraiment aimé. Et bon, c'est dommage, ils sont un peu passés sous les radars ces derniers temps, on sait pas trop ce qu'ils font. Il y avait une mixtape qui était sortie que vous pouvez trouver sur internet avec plein d'autres artistes, qui est assez chouette au demeurant mais qui a vraiment pas fait de bruit. Donc une mixtape, c'est on va dire une sorte d'album gratuit avec énormément de featuring, avec énormément d'invités. Vous pouvez a priori le retrouver sur YouTube. Et on écoute donc Runaway, un titre qui est sorti un peu comme ça de nulle part il y a quelques mois et qui est dans une autre mouvance mais qui fait bien se dandiner. On écoute donc Runaway des Naive New Beaters. Is my sadness so visible? And getting you to slam the door, how could I know that you're awake? Just like a ball, you're on the bed. And if I'm sad, you couldn't tell. I'm leading you to think I'm well. I didn't know it, I didn't know it, I didn't know it. What didn't I chase that miracle? Now you're feeling C'était les Naive New Beatles avec le titre Runaway et on espère donc un album à venir prochainement, c'est ce que dit leur page officielle, New Album Soon. Ça fait quand même 4 mois que c'est sorti cette histoire-là et on n'a toujours pas de date, mais on attend patiemment donc l'album, le nouvel album des Naive New Beatles. On continue avec dans cette veine un peu électro, on est toujours en France parce que les Naive New Beatles, malgré leur accent pas possible, ils essayent de nous faire croire qu'ils sont à moitié américains. Mais a priori, ils sont bien de Paris. On continue toujours en France, mais cette fois du côté de la Normandie, avec un groupe qui s'appelle We Are Match. On écoute l'album, le titre The Shark, ça vient de sortir, donc l'album Shores. Le groupe, c'est We Are Match. Très bon son qui nous vient de Normandie. Ça s'appelle We Are Match, pardon pour ce petit bug. Ça s'appelle We Are Match, donc, et ce titre, c'est leur tube, c'est The Shark. Et l'album s'appelle Shores, ça vient de sortir et c'est très très bon. Je vous le recommande vivement. Il y a même un titre chanté en français, voilà, pour ceux qui veulent découvrir un peu ce que ça peut donner dans notre langue. N'hésitez pas à écouter l'album en entier, c'est toujours agréable d'écouter les albums en entier. Comme le prouve cette émission, maintenant une fois par mois au moins, s'il n'y a pas de rediffusion, avec l'album du mois. Je vous rappelle donc une fois par mois ou plus, le mardi soir, vous aurez un album entier avec quelques petites explications pour vous mettre en bouche. Et puis l'album complet, ça se fait très rarement à la radio, nous on le fait, on ose tout sur la radio des Boutières. Et donc vous pouvez découvrir ça notamment la semaine prochaine. Avec l'album de la grande Sophie, Nos Histoires. On est parti un peu sur du français, un peu, ça fait pas de mal. C'est pas si souvent que j'en passe et c'est pas si souvent que des bons albums chantés en français sortent, à mon goût. En tous les cas, j'aimerais qu'il y en ait plus. On continue avec un artiste dont je vous ai déjà parlé, un artiste suédois qui s'appelle JJ Johansson, que j'aime beaucoup, qui a versé un peu dans la pop électro pendant très longtemps. Et bon, le côté électro, des fois, était un peu, prenait un peu trop le dessus à mon goût, mais là, il revient avec un EP. NDE, ça doit vouloir dire Near Death Experience, donc expérience de mort imminente. Et ça s'appelle donc NDE EP. Ça fait beaucoup de lettres, et ça c'est le nom de l'EP, donc 5 titres, si ma mémoire est bonne, avec notamment, 5 titres, avec une reprise de Video Games de Lana Del Rey. On écoute tout de suite la version de JJ Johansson. A place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad guys, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Maybe now you do. Singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pool and wild dart, video games. She holds me in her thin arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching our old friends fall in and out of old balls. This is my idea of fun. Playing video games. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad guys, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Maybe now you do. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad guys, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. Écoutez actuellement JJ Johansson avec le titre Video Games de Lana Del Rey. Voilà, une reprise très épurée de la starlette la plus indé de ces dernières années. Et on ne sait pas trop dans quoi la ranger Lana Del Rey finalement. Est-ce qu'elle est du côté de Britney Spears ou du côté de, je sais pas moi, Anna Calvi ou des gens comme ça. Il y aura aussi une reprise de Jimmy XX dans cette EP, donc à découvrir. Son premier album est quand même sorti il y a 20 ans. Voilà, c'est un vieux monsieur, pas du tout, il fait toujours aussi jeune, mais donc c'est un artiste qui pèse sur la scène internationale depuis 20 ans maintenant. Et le dernier album qui est sorti, c'était Opium, il y a quelques mois seulement. On continue avec un artiste français avec qui j'ai eu l'immense chance et privilège de partager la scène, et oui, ce n'est pas rien, c'est Rover avec Call My Name. You promised everyone you'd never come back. A present feelings in a tear. Broke me off like a stab in the back. Oh my, darling, oh my. It used to burn me when the pendulum broke. You fade as you talk too loud. My name de Rover, dis mon nom. Et donc c'est le deuxième single en fait. Il y a deux singles qui sont sortis, donc un album qui devrait pas tarder aussi à arriver. Donc Rover, on l'a connu avec ce titre qu'on va écouter en fond, hein, qui s'appelait Aqualast. Ça doit vous dire quelque chose. Sign me. C'est pas vous, mais moi j'aimais beaucoup ce titre. Voilà, j'espère que le prochain album sera tout aussi bon. C'est donc son deuxième album. Tout le monde l'attend un peu au tournant parce que le premier avait vraiment créé la surprise. Et donc, comme je vous le disais, c'était pas seulement pour me la péter, mais aussi pour partager cette expérience, que la chance que j'ai eue de jouer avec lui. C'était dans un bar concert à Paris en 2011, si ma mémoire est bonne. Le bar s'appelait l'OPA à Bastille. Et en fait, on avait joué juste avant lui et c'était vraiment incroyable. Donc le gars était arrivé vraiment au dernier moment, avait branché sa guitare et avait sorti donc sa voix incroyable, sa prestance et puis voilà, son charisme sur cette petite scène. Et ça m'avait vraiment marqué, ce gars-là. Mais je trouvais qu'il avait déjà tout, en tous les cas, pour percer et pas manquer. L'année d'après, il était aux Victoires de la Musique avec son album. Voilà, l'histoire, vous la connaissez. Donc ça, c'est Rover. On en entendra bientôt parler, en tous les cas, j'espère, pour son prochain album. On continue avec un groupe qui s'appelle Coco Rosie, voilà, qui n'en est pas à son premier album, elle, donc un duo de jeunes filles, qui sort donc l'album Earthache City. On écoute le titre Un Beso. Gypsy lifting arm, gonna get it back. The wind is just right and the violets think so too. I think I spy a shack making a poop. I like the gypsy lift the stars and send one out to you. Who are you? Someone with no dandruff, perhaps brown eyes, a derelict, a dandy. I'm out shopping in my canoe, finger frolicking the fireflies, finger fucking firewood, spying on the masturbating snails, hollyhocking cattails, boneless jellyfish and whales. Perhaps I'll meet you then on the decadent horizon, where young lovers, dark lips, looking at the Loch Ness Monster. Fooey fooey, hence kablooey, gypsy lifting on a handstand. Little Fawny, Donna and Scrawny, Daryl, Jordan, Henry and Johnny. Thank you. just need a chimney sweep. Little Bo Peep tended to her sheep, eating her curds and whey. Devil Hannah, get a grip, it's only the first season of the end of your career. Nightmares and dreams, harlequins and queens, who is my truest love? Don't make me take my finger out and point it in your direction. The Bible tells me so, gee whiz. He's out shopping in the trees again. Moss on trees, moss on trees, moss on trees. Broken branches, avalanches. Who's got the keys to my Jeep? Who's got the code to the condo of my soul? I'm robbing graves again like Marilyn Manson. I'll admit I'm popular amongst the ivies and the ferns. Can't say if the felines took to me. De Coco Rossi. Un beso, ça doit vouloir dire un baiser dans une langue genre italien ou espagnol, mais là, ma culture a ses limites. Je vous laisserai chercher par vous-même. Donc, Coco Rossi, c'est tout simplement un groupe fondé des deux sœurs, Coco et Rossi. C'est leur surnom que leur a donné leur mère. Et voilà, elles ont une histoire un peu particulière. Elles ont beaucoup voyagé. Leurs parents sont séparés. Elles ont une mère artiste qui les a fait voyager tous les ans et changer d'horizon toutes les années entre Hawaï, le Mexique, les États-Unis. Et un père qui les prenait les étés pour leur faire voyager, pour leur faire visiter des réserves amérindiennes. Voilà, ça les a marqués. En tous les cas, ça s'entend. Ça finit par s'entendre dans leurs albums quelques années plus tard. Coco Rossi, un nouvel album de Coco Rossi, bah c'est toujours un plaisir, c'est le 6e album. C'est un groupe donc, qui est atypique, avec des sons, un son très particulier dès le début, et bah, tellement particulier qu'on a fini par s'habituer en fait. Donc il n'y a plus vraiment de surprise. J'ai hésité à vous le mettre comme album du mois, mais j'ai redouté de vous endormir. Donc voilà, ça ne sera pas pour ce mois-ci en tous les cas. Moi, j'aime beaucoup hein, Coco Rossi, mais c'est vrai qu'on n'a plus la surprise. J'aime bien ce duo. Pour moi, il y a une voix de sorcière et une voix d'opéra. Et en effet, il y en a une qui a étudié donc, au Conservatoire de Paris pendant des années, et l'autre qui a vécu à New York pendant des années. Elles se sont retrouvées à Paris pour fonder le groupe Coco Rossi. Voilà, en tous les cas, l'album s'appelle Earthquake City, ça vient de sortir et ça reste très très beau et très agréable à écouter. Et voilà, la surprise n'est plus là, à mon sens, en tous les cas. On continue avec une petite pépite dégotée par Eric, que je salue s'il nous écoute. Le groupe s'appelle Lao et l'album s'appelle Once and Sixes, pardon, et ça vient de sortir. On écoute le titre What Part of Me. Me C'était Low, un groupe américain qui est donc qui fait de l'indie rock assez minimaliste en fait, avec des mélodies qui collent bien aux dents. Moi j'aime beaucoup. Et voilà, qui sort donc à la volée, je dirais presque plus de, qui a déjà sorti plus de 10 albums en fait. Un groupe qui existe déjà depuis 1994 et dont je n'avais jamais entendu parler avant ce soir personnellement. Donc j'espère que ça sera aussi une découverte pour vous, ou j'espère que vous connaissez déjà, que vous avez déjà eu le plaisir d'entendre ces 10 albums. Moi je vais me pencher un peu sur leur cas. En tous les cas, cet album s'appelle Ones and Sixes, et donc ça vient de sortir. C'était What Part of Me. On continue dans la rubrique copain. Je devrais peut-être avoir un petit jingle copain pour vous pour dire que je vais parler des copains qui font de la musique et qui sortent des albums, parce qu'il y en a quelques-uns, et j'aime particulièrement ceux dont je vais vous parler. Ça s'appelle Devil Joe and the Backdoor Man. J'ai déjà eu l'occasion d'en passer, je crois, lors d'un ping-pong musical avec Sullivan, si ma mémoire est bonne. Tous ces podcasts, donc notamment ce ping-pong-là, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook de l'émission, sur la page officielle, enfin sur le site officiel de la radio des Boutières, rdbfm.com, ou tout simplement en tapant Zik Actu dans Google. On écoute Mr. Skinny Man, c'est un groupe donc de Saint-Etienne, Devil Joe and the Backdoor Man. C'est parti. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh C'était Mr. Skinny Man, un titre de Devil Joe and the Backdoor Man, donc un groupe stéphanois. Il y a quatre titres sur cette EP. Voilà, je vous le conseille. Vous pouvez donc retrouver ce titre gratuitement sur leur Bandcamp. Un titre produit par Yves Grimont-Prez, que je salue. On continue toujours dans la rubrique copains avec les Flyde. Les Flyde, c'est l'occasion un peu de passer du hard rock, parce que c'est pas si souvent qu'on a l'occasion de passer du hard rock, et oui, il n'y en a plus vraiment qui sort. Heureusement qu'ils sont là, et qu'ils sortent tous les ans un album, ça nous fait de quoi parler d'eux. Et le nouvel album va sortir le 26 octobre, ça s'appellera Monster Man, et donc c'est déjà le deuxième extrait qu'on passe, on les salue, et puis bah, j'espère que ça sera l'album du mois. Ça met la pression, si vous nous écoutez, j'espère que vous avez la pression. Donc c'est Flyde avec le titre Stanced, que je trouve excellent, voire même meilleur que le single précédent. On écoute ça tout de suite. Et oui, ces petits sons rythmiques nous rappellent à la triste réalité. C'est la fin de cette émission. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et que vous avez découvert plein de musique. C'est le but en tout cas. Vous pouvez toujours participer sur la page Facebook de l'émission Zik Actu RDB et me faire partager vos découvertes. On se retrouve la semaine prochaine pour un spécial album de la semaine avec la grande Sophie. J'espère que ça vous plaira aussi, que cet album vous plaira comme il m'a plu. Et je vous souhaite donc une bonne fin de soirée, une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Écoutez bien la musique, faites-vous plaisir, à bientôt.